Je vous ai tout dit avant que vous me quittiez. Rien n'était écrit, juste que l'on vieillirait. Je vous ai trop aimé, je vous ai tant aimé. Je n'en peux plus d'exister. Putain, vous me manquez. J'avais trouvé la façon d'être heureux juste à vos côtés. Les larmes sur mes joues que je ne peux arrêter. Je voudrais juste reposer à vos côtés. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on s'est aimé. Je cherche à effacer mon souvenir du passé. Les larmes sous mes yeux ne cessent de couler. Une fois que je n'existerai plus, j'espère ne plus jamais revenir. Cette vie ne m'a pas gâté, je ne sais pas pourquoi il a fallu exister. Si j'avais su mourir avant de vous aimer, je voudrais que l'éternité finisse par laisse tomber. J'ai le cœur qui voudrait mourir, s'arrêter. J'espère juste en crever. L'avenir pour moi n'existe pas.